Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées dans divers pays. Les agences de presse russes TASS et Deveros, la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong de Chine, l'agence de presse japonaise Gyodong, le journal indien Rising Europe et les pages d'internet du Comité national d'études du kimilsonisme kimjonglisme du Nigeria et du Comité national d'études des aides du Tutsi du Congo démocratique ont fait part de l'inspection du quartier général de la grande unité combinée 380 de l'armée populaire de Corée. Le homepage d'internet de l'association d'amitié Paektusan Tché-Corée a rapporté que le maréchal Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec les participantes à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée, alors que le homepage d'internet du forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections a inséré la même nouvelle et celle de l'inspection de l'entreprise halieutique 25 août de l'armée populaire de Corée qui crée un mythe de pêche. Les médias ont présenté des photos du maréchal Kim Jong-un.